qu'est-ce qu'un jeu alternatif? La définition que je proposerais, donc ça serait en opposition à l'image qu'on peut se faire du JDR pour une personne qui est en dehors de la communauté rôlistique. C'est-à-dire la fameuse image en fait de qu'on peut voir dans les séries, donc qui est véhiculée par les séries, du MJ qui est derrière son paravent avec les joueurs autour d'une table dans un monde médiéval fantastique, où on va aller dans des donjons, etc. C'est vraiment un jeu, un univers qui va proposer autre chose, une expérience différente. Notamment dans le rôle du MJ qui peut carrément avoir un rôle à part entière dans le jeu, en dehors du fait qu'il maîtrise vraiment l'univers dans lequel vont évoluer les joueurs, mais également aussi dans le mode de jeu. Le mode de jeu qui peut se faire sans dés, qui peut se faire juste par des résolutions, par des mots. Notamment, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Mantra, des éditions Batrogues Games, qui propose un mode de jeu où ça va être par des mots-clés qu'on va résoudre des actions. Il y a aussi Ambre qui propose pas de G2D. Je trouve que c'est très intéressant comme alternative à ça, surtout quand on est un joueur qui n'a pas de chance au dé. Pour ma part, il y a aussi le type d'univers qui peut être alternatif. Sortir vraiment des mondes connus pour proposer vraiment des trucs complètement barrés, complètement virtuels. Le monde de l'onirisme, je trouve, est très représentatif de l'alternatif. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup dans Mantra, parce que c'est vraiment le jeu, quand on parle de jeu alternatif, c'est vraiment Mantra auquel je pense. Parce que c'est un jeu qui va proposer également trois dimensions de jeu. C'est que y a le joueur en tant que joueur, il y a le joueur en tant que personnage, et après il y a une autre identité du personnage. C'est complètement barré. Et même à tel point que le jeu est prévu pour devenir un méta-jeu qui peut inclure des jeux à l'intérieur. Donc voilà pour la définition moi d'alternatif. Après, par rapport à ce que je recherche dedans, moi c'est l'expérience humaine. Avant tout, quand je joue au JDR, c'est vraiment un partage avec d'autres personnes, avec la notion de vouloir faire des bons RP, savoir un peu sortir de sa propre condition de temps en temps, même tout le temps. Donc une sorte de développement personnel, c'est-à-dire que vraiment faire fonctionner l'imaginaire, mais j'ai l'impression que la définition moi que je me fais du JDR alternatif, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire voyager en plus quoi. L'imaginaire va être encore plus appelé que sur un jeu classique avec des lancers de dés où c'est très cadré, où c'est très finalement où on peut avoir le contrôle. Là, c'est pour moi dans le jeu alternatif, il y a vraiment une recherche souvent de lâcher prise, de nouvelles expériences. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que ça permet de se découvrir, même quand on joue avec des joueurs qu'on ne connaît pas, ça permet de découvrir réellement la personne, découvrir un peu plus, connaître un peu plus la personne, connaître un peu plus sa personnalité, etc. C'est bon pour moi, merci beaucoup de m'avoir écouté, et à bientôt.